J'aime mon incertitude par hasard. J'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Voici pour Julien Clerc et autre monsieur de la chanson française. Il a fait partie des Chaussettes Noires. Vous allez certainement le reconnaître. On va faire une toile avec lui. On va faire une toile avec lui, avec ce portrait. Un portrait de Norman Rockwell. Une chanson sortie en 1996. Un portrait de Norman Rockwell par Eddie Mitchell, publié donc en 1996, comme je viens de le dire, et plus précisément, elle figure sur l'album Monsieur Eddie. Eh oui, Monsieur Eddie, tout simplement. Ce surnom, lors de ses émissions de cinéma. Rappelez-vous, c'était sur la 3 à l'époque, c'était Monsieur Eddie pour les soirées cinéma avec lui. C'était le mardi, hein, si je me souviens bien. Allez, on va trêve de plaisanterie, quoique c'est quand même sérieux. C'est tout de suite avec Monsieur Eddie, Monsieur Schmoll. Elle ressemble à un portrait de Norman Rockwell. Derrière les traits usés, on devine qu'elle était belle. Il y a encore dans ses yeux comme une petite étincelle, signe de vie et d'amour, un don tombé du ciel. Juste là pour elle. C'est une vieille dame toute seule qui serre son sac tout contre elle. Il contient toute sa vie, ne voyage qu'avec elle. Il renferme des trésors qui font figure de cire, des instants sublimés qui l'aident encore à vivre. Dans ses souvenirs, elle regarde le monde actuel avec sa myopie jamais cruelle. Comme dans un portrait, Norman Rockwell, Norman Rockwell. Faire l'univers, Norman Rockwell, Norman Rockwell. C'est une vieille dame toute seule qui ne parle qu'à elle-même, cache toujours deux places dans les trains qui l'emmènent. qu'une pour son compagnon qu'a quitté cette terre, un fantôme adorable sortant d'une aquarelle. Norman Rockwell, c'est une vieille dame toute seule qui serre son sac tout contre elle. Offensif peu pressé, que le bon Dieu l'emmène. Et y'a encore dans ses yeux, comme une petite étincelle, elle ressemble à un portrait de Norman Rockwell. Norman Rockwell. Comme dans un portrait, Norman Rockwell, Norman Rockwell. Elle n'attend rien de la vie, elle lui a tout donné puis repris. Elle préfère l'univers, Norman Rockwell, Norman Rockwell. Monsieur Schmoll, Monsieur Claude Moine, Monsieur Eddy, c'était tout simplement Eddy Mitchell pour un portrait de Norman Rockwell. On continue notre programme musical et cette fois-ci c'est avec Paris Africa. La chanson que je vous propose, c'est d'Eric Hochet par le collectif donc Paris Africa. Elle a été enregistrée en 2011. Les bénéfices de cette chanson sont entièrement reversés à l'UNICEF pour soutenir les enfants touchés par la crise nutritionnel et alimentaire en Afrique. C'est tout de suite sur votre radio et c'est toujours Manu pour la note en chantant. Je tiens aussi à préciser que l'auteur de cette chanson est Patrice Guiraud et composé par Frédéric Château. Voilà, comme ça vous savez tout et c'est tout de suite C'est en musique. La note en chantant sur votre radio. Chou qui sourit, elle se fout d'être mouillée comme de la dernière pluie. Mais ici y a pas d'eau qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Ma santé, je vous laisse échouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi, ce que je voudrais, c'est danser pour faire tomber la pluie. Je me regarde creuser la terre, mais pas des pluies. Je veux pas le monde. Je veux pas déranger. Au destin magnifique, comme un autre qui grandit, loin des dunes d'Afrique, sans avoir à scruter, sans avoir à subir, un ciel qui vous oublie, un ciel sans avenir. Je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière. Je vais seulement jeter des bouteilles dans la mer. Moi, ce que je vous laisse jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi, ce que je pour faire tomber la pluie, je vous regarde creuser. La terre n'est pas des pluies. Je veux pas l'aumône. Je veux pas déranger. Mais juste un peu trop. chercher. Les laisser dans l'indifférence et l'oubli. Que le monde se réveille, il est temps qu'on agisse. Très belle interprétation au passage de ce collectif. Continuons notre programme musical avec cette fois-ci, on va tourner les hélicoptères. Et bien sûr, vous avez certainement reconnu l'artiste qui va interpréter cette chanson. C'était dans les années 80, Francis Cabrel. Tournez les hélicos. Tes paquets de papier blanc, tes morceaux d'idées noires. Après, tu défiles pour trois tickets de resto. Et puis tu pars tranquille dans ton wagon de métro. Elle, elle entend, elle entend. Quand on te parle du diable, tu balances un peu de sel. Ton bel imperméable ne passe pas sous les échelles. T'as le chien qui bouge la tête à l'arrière de l'auto. T'as deux fois plus d'appétit à l'heure des infos. Quand elle, elle entend, elle entend tourner les hélicos. C'est facile de baisser les cils, tu sais que même le sang s'efface. Ces pauvres gens en exil. J'aimerais pas être à leur place. Y'a des villes qui se réveillent sous les coups de roquette. Tu sirotes ton whisky, le que sur ta roquette. Et même si quelquefois t'as de l'eau dans le regard, à la première pute qui passe, tout le monde se marre. Elle, elle entend, elle entend tourner les hélicos. Tu redemandes en colère un peu de glace en morceaux. Pendant qu'à l'autre bout de la terre, au fond de Soweto, elle, elle entend, elle entend tourner les hélicos. Elle entend tourner les hélicos. We'll be right back. Voici pour Francis Cabrel avec ce titre « Tourner les hélicos ». Elle s'était fait connaître très jeune, elle avait tourné son premier clip, hein, si je ne me trompe pas, du moins son premier album. Et cette chanson « Jour 1 » tournée sur nos côtes normandes, notamment au Havre, sur le skatepark, mais aussi à Étretat et aux alentours. C'est Louane, bien sûr, et je vous propose d'écouter cette chanson de 2021, « Mademoiselle Tout le monde ». Vous écoutez La Note en chantant, l'émission dédiée à la chanson française, toute génération. Mademoiselle, tout le monde a les yeux tristes. Elle tourne dans la ronde des artistes. Spectatrice de la vie, quelquefois on s'y perd. Une actrice à l'infini d'un bonheur éphémère. Un matin comme les autres, le réveil sonne et elle se meurt. Sur le sol, elle se vautre. Je vous en prie, encore une heure. J'ai pas le temps de penser à moi-même. Mes cheveux blonds coulent sur mon visage blême. Laissez-moi pleurer, j'ai le droit à l'erreur. Je peux pas évoluer dans un monde sans couleur. Notre réalité. Mademoiselle, tout le monde veut juste rêver. Regardez le monde sans trembler. Se noyer dans les flaques par temps de pluie. Ne plus avoir le trac face à la vie. Laissez-moi pleurer, j'ai le droit à l'erreur. Je veux pas évoluer dans un monde sans couleur. Courir après le temps comme s'il nous attendait. Fuir indéniablement notre réalité. Mademoiselle Tout le monde, c'était Louane. Ensuite, je vous propose de retrouver une voix. Et quelle voix ? Et bien sûr, la coïncidence vocale est extraordinaire, hein, puisque on reconnaît la voix de Johnny Hallyday dans ses paroles. Bien sûr, c'est Jean-Baptiste Guégan, ce breton très très apprécié des fans, bien sûr, du moins je le suppose. Il est né le 14 mai 1983 à Trégueux, ce chanteur français. En 2000, il débute dans la musique comme sosie vocale de Johnny, après le décès de Johnny, bien sûr. Tout le monde se réfère à ses productions. Là, je vous propose pas d'écouter un titre de Johnny par Jean-Baptiste Guégan, mais tout simplement, on va aller du côté de l'Amérique avec peut-être un petit son au passage de West Coast de Californie. C'est tout simplement Jean-Baptiste Guégan qui nous interprète tout simplement, et je me répète, je sais, chante Elvis. Tu fais au Mississippi, dans le sud des États-Unis. Le ghetto Melody, Graceland, Memphis, Tennessee. Cavalier du crépuscule, une chambre à l'hôtel des cœurs brisés. fait allure. King est toujours avec moi. Shotgun House, la musique, gospel, barbiturique. Las Vegas, US Army, Graceland, Memphis, Tennessee. Cavalier du crépuscule, une chambre à l'hôtel. Cœur brisé. Rock'n'roll, brillantine, love me tender d'origine. Chante Elvis, entendez-vous son cœur qui bat. Et chante Elvis, la musique est un combat. Le King est toujours avec moi. King est toujours avec moi. Est toujours avec moi. Est toujours avec moi. Est toujours avec moi. Sorti en 2022, chante Elvis Jean-Baptiste Guégan pour cette très très belle interprétation. Voilà pour ce voyage musical et on continue d'ailleurs sur votre radio. Je vous propose d'écouter Zaz. Zaz va nous interpréter tout simplement Tout là-haut. Si on s'en allait tout là-haut, si on prenait de la hauteur, tu verrais que le monde est beau. Si on allait chiner l'écho qui guérit les peines et les peurs, peut-être trouveras-tu les mots au-delà des fourbes apparences. Se cachent les fêlures de l'enfance, l'air de rien. On est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles. Nos certitudes, on chérit la solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut. On ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on existe enfin. Allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux s'imprégner des couleurs, saurions-nous faire taire notre ego? À chercher en nous le meilleur, libre comme le cœur des oiseaux. Là-haut, au-delà des fausses apparences, sommeillent les blessures de l'enfance. De l'enfance, l'air de rien. On est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles. Tout là-haut, on oublie nos certitudes. Chérie la solitude, à faire une escale tout là-haut, à nourrir le calme tout là-haut. On ne joue plus d'artifice, on sait pourquoi on résiste enfin. Allez, viens. Si on s'en allait tout là-haut, pour mieux se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh, si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence, sous nos masques cousus d'espérance, on soigne les brûlures. Eh oui, on redescend sur Terre là, hein. On redescend sur Terre tout simplement pour continuer notre programme musical avec Maëlle. Maëlle, de son nom complet, Maëlle Pistoria, est une chanteuse, auteure, compositrice et interprète et musicienne française. Elle est née d'ailleurs le 4 janvier 2001 à Tournus dans la Saône-et-Loire. Cette belle chanteuse, puisqu'elle a un regard de braise, hein. J'adore son regard au passage. Elle était d'ailleurs gagnante de la 7e saison de The Voice, la plus belle voix. Et justement, ça tombe bien, on va l'écouter, les plus belles voix. Elles sont sur la note en chantant, tout simplement avec ce titre qui s'intitule « Toutes les machines ont un cœur ». Et mon cœur est fragile. J'espère que la machine vous a fait battre votre cœur. C'était Maëlle avec Toutes les machines ont un cœur. C'était sorti en 2019. Continuons notre programme musical avec une chanteuse havraise. Chanteuse havraise, Philippine. Philippine la vraie. Elle se fait plus communément appeler Philippine. Elle est toujours née. Le 3 juin 1995 au Havre, bien sûr, chanteuse et auteure-compositrice-interprète française. Ah, j'avais pu la croiser à l'époque quand elle jouait avec un copain à elle dans les restaurants pour faire l'animation et tout simplement pour arrondir aussi les fins de mois. Elle est aussi la cousine d'un animateur de radio que j'avais à l'époque sur une radio, hélas disparue, RVL pour ne pas la citer. Voilà pour la petite histoire. On va l'écouter, Philippine, avec ce titre qui s'intitule « Ne m'en veux pas ». La note en chantant sur votre radio. J'ai perdu ton regard, de vue sans toi, j'ai peur du noir. Éclaire-moi une dernière fois. Souvent, je valse trop vite autour de toi, j'ai peur du vide. Rattrape-moi, retombe-moi. J'entends les tambours qui se lassent d'avoir trop joué. Et si l'on était juste tombé en amour, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Quand j'entends les tambours qui se cassent d'avoir trop joué. D'être amoureux, jamais en veux. Souvent, je valse trop vite à non plus avoir peur du noir, du vide. Tu m'aimais si fort, viens et retombe encore. En amour, mon amour, qu'est-ce qui se passe? J'entends les tambours qui se lassent d'avoir trop joué. Et si l'on était juste tombé en amour, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Quand j'entends les tambours qui se cassent d'avoir trop joué. J'ai cueilli une fleur, reste pour demain. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? J'entends les tambours qui s'effacent d'avoir trop joué. Et si l'on était juste tombé en amour, mon amour, qu'est-ce qui se passe? D'avoir trop joué. Et si l'on était tombé. Alors, on lui m'en veux pas, hein, Philippine. Très belle voix au passage. Ne m'en veux pas, c'est le titre de cette chanson. Et continuons notre programme musical. On est dans les deux années 2010. Et continuons justement. Plasticine avec Electric City. C'était en 2016 pour être précis. C'est l'automne, peut-être que la voix s'en va un petit peu de temps à autre, mais on maîtrise. Je vous propose justement de prendre un peu de température, un peu de chaleur de la Martinique. Quoique elle n'est pas née en Martinique, mais elle a des origines martiniquaises par son père. Tamara Marthe, née le 28 novembre, eh oui, c'est mois d'anniversaire pour elle, c'était en 1985, à Trappes, hein, dans les Yvelines. Une chanteuse, danseuse et actrice française se révèle en 2005 grâce à sa collaboration avec le rappeur Kamao. Voici pour cette information, mais aussi je vous propose tout simplement d'écouter Shime, Shimey ou Tarn, tout simplement pour son surnom, Shine tout simplement. Et je vous propose cette chanson qui s'intitule « Contrôle ». Et oui, elle nous contrôle là. Et je vole au vent, je virevolte aux allures de mes humeurs. et je crie aux larmes, ou je ris de joie, ça dépend de ma couleur. Et j'en perds le contrôle. Et j'en perds le contrôle. Et j'en perds le contrôle. Et j'en perds le contrôle. Voici pour Chaim, voici pour cette chanson de 2012, Control. Nous continuons notre programme musical, quoiqu'il il est sur le point de s'achever. Et oui, il est temps pour moi de vous diffuser un dernier titre. Une chanteuse qui nous avait fait cette chanson en 2015, son histoire, de qui elle parle. À vous d'écouter, Sophie Tapie, bien sûr, la fille de Bernard Tapie. La note en chantant sur votre radio. Croire au jour qui se lève, croire aux rêves les plus fous, quand tout semble perdu, faut y croire jusqu'au bout. Il suffit d'un peu d'espoir pour voir la vie en couleur. Simplement ouvre ton cœur, alors donne un sens à ta vie. Parfois il suffit d'un regard. Écris ton histoire, un sens à ta vie. Une petite lumière dans le noir. Croire au bien que l'on s'aime, au courant qui nous entraîne. Une voici pour ce tout dernier titre avec la douce voix de Sophie Tapie, avec ce titre intitulé Son Histoire. C'était 3 minutes et quelques poussières de musique, de chansons, de pur bonheur. C'était sorti en 2015. Voici pour la transition, pour enchaîner avec notre générique. Voici pour cette émission du mois de novembre, émission 94. Je ne l'avais pas cité en ouverture de programme, mais oui, c'est la 94e émission et vous avez pu entendre, et on avait débuté par lui, Florent Pagny. Bon anniversaire au passage avec ce titre « Le soldat ». Georges Brassens avec « J'ai rendez-vous avec vous ». Julien Clerc, « Ma préférence », Eddie Mitchell, un portrait de Norman Rockwell. Paris Africa avec des ricochets, Francis Cabrel, tourner les hélicoptères, tourner les hélicos, hein, tout ça pour être plus précis. Louane, Mademoiselle, tout le monde, Jean-Baptiste Guégan chante Elvis, Zaz, tout là-haut, vous avez pu entendre juste après Maël, toutes les machines ont un cœur, Philippine Lavray avec Ne m'en veux pas, Plasticine avec Electric City, Chime Control, et vous venez tout juste de l'entendre, Sophie Tapie avec Son Histoire. Ainsi se conclut cette émission 94 du mois de novembre. Je vous propose de se retrouver le mois prochain, le mois de décembre. Et comme chaque année au mois de décembre, bien sûr, c'est Noël, donc les fêtes de fin d'année. Le programme sera spécial fêtes de fin d'année comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute. Pour l'heure, je tiens aussi à vous rappeler de retrouver toutes les informations sur l'émission, sur la page Facebook de l'émission. Hâte la note en chantant. Ainsi se conclut donc l'émission. Je vous souhaite une belle soirée, une belle continuité à l'écoute des programmes. C'était Manu pour la note en chantant. Ciao, bye bye.